Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin. Assisté de Jacqueline Levenbruck, cette émission est diffusée en direct lundi 15 août 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Jacqueline, merci Benoît. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous dis bonsoir si vous m'écoutez en direct. Dans ce 15 août 2011, fête de l'Assomption, semaine B du cycle des émissions de Radio Courtoisie, je vous dis bonjour si vous m'écoutez en différé, demain 16 août à partir de 7h30, ou dans la nuit, je vous dis bonne nuit si vous m'écoutez à partir de 2h du matin. Nous allons parler, dans la seconde partie de ce libre journal, après la pause technique, des émeutes raciales et du problème noir en Occident. Bien sûr, nous partirons des faits qui se sont déroulés, qui se déroulent encore en Angleterre. Et nous parlerons beaucoup, évidemment, de questions politiques extrêmement graves. Et notamment de la question raciale, qui est mal posée ou qu'on n'ose pas poser. Mais, comme c'est aujourd'hui la fête de l'Assomption, je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, je voudrais que nous parlions avec l'abbé Guillaume de Tanoir, qui a eu l'occasion... tout à l'heure, en remplaçant Philippe Maxence à midi, de se pencher sur la tradition mariale dans l'Église catholique, avec son invité. Je voudrais que nous parlions non seulement de la fête de l'Assomption, mais de la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne. Et auparavant, avec l'abbé Guillaume de Tannouarne toujours, mais aussi avec l'abbé Claude Barthes, nous allons nous intéresser... aux nouvelles de l'Église, l'Église telle qu'elle va. Alors, monsieur l'abbé Claude Barthes, je crois que vous êtes au téléphone. Au téléphone, oui, bonjour. Bonne fête de l'Assomption, monsieur l'abbé. Vous êtes très loin, dans la France profonde. Auprès de votre mère, m'avez-vous dit. C'est ça, dans le Gers. Voilà. Et donc, je vous pose tout de go la question très générale que l'on peut se poser. Comment l'Église va-t-elle aujourd'hui ? Plutôt, comment l'Église de France, soyons plus précis, comment l'Église de France se porte-t-elle aujourd'hui ? Et ensuite, peut-être que avec l'abbé Guillaume de Tannouarne, vous nous direz un mot sur les JMJ, les fameuses Journées Mondiales de la Jeunesse, organisées depuis quelque temps par les papes. Et donc, c'est demain, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est demain. Pour ceux qui nous écouteront en différé, ce sera le jour même. Le 16 août, que commencent les fameux JMJ à Madrid, avec en présence de Sa Sainteté le pape Benoît XVI. Donc, monsieur l'abbé Claude Barthes, comment l'Église de France se porte-t-elle aujourd'hui en l'an de grâce 2011 ? Oui, les JMJ dont vous parlez font partie de la réponse, dans la mesure où ils participent de ces quelques signes d'espoir, d'espérance pour l'Église de France. Il y a pas mal de jeunes qui se trouvent là-bas, des paroisses de France, soit catholiques, soit qui n'ont pas encore touché aux choses de la foi. Mais disons que la réponse d'abord première, évidente, c'est que l'Église de France se porte très mal. Elle se porte bien plus mal encore que la zone euro, je dirais. Alors c'est vraiment très très très mal. Je crois, oui. Et tout le monde le sait, et les évêques de France... Et c'est beaucoup plus grave que la zone euro, vous savez, parce que plaie d'argent n'est pas mortelle, alors que malheureusement, plaie d'église est mortelle, notamment pour le salut des âmes. Oui, bien sûr, l'église a les paroles de la vie éternelle, mais la France, l'église de France n'a pas les paroles de la vie éternelle, même si elle est protégée par la Sainte Vierge, qui est notre patron national. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une fête nationale aussi, je pense que vous le direz tout à l'heure. Du fait du vœu de Louis XIII en 1636. Enfin, pour revenir à l'Église de France, elle va mal depuis longtemps, mais maintenant les choses s'accentuent et sont très très visibles. On savait depuis quelques années que toutes sortes de problèmes, celui des vocations, celui du nombre des religieux, des religieuses, l'encadrement des paroisses, les catéchismes aussi, tout cela s'aggravait. Et maintenant, on est dans certains diocèses, dans celui dans lequel je me trouve, le diocèse d'Auch par exemple, là, dans une situation dramatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prêtres. Une grosse dizaine de prêtres en activité pour tout un diocèse, une paroisse, celle dans laquelle je me trouve, une ville de 6000 habitants, qui pendant 2 ans n'a plus de curé, ou un an. On vient de trouver un noir qui a accepté d'être curé de la paroisse. Les aumôneries qui, des lycées, collèges, hôpitaux, etc., etc., tenues par des laïcs. Une baisse colossale du nombre des confessions, pour parler aussi de ce que j'ai en face de moi, la paroisse en question, le prêtre qui est un prêtre catholique et qui voudrait confesser, n'a plus personne dans son confessionnal et quasi personne dans son église. La crise se voit évidemment surtout dans les provinces où le nombre des pratiquants est le même que partout ailleurs en France, 4%, 4,5%, ce qui à Paris représente encore quelques du monde dans les églises, dans la mesure où on a réduit beaucoup le nombre des cérémonies, mais qui dans les campagnes est une poignée de dames âgées qui se présentent à la messe du dimanche, quand messe du dimanche ou du samedi il y a. Le plus grave de tout étant les catéchismes. Le nombre des enfants catéchisés a baissé considérablement d'année en année depuis 40 ans, une baisse considérable depuis 10 ans et la baisse continue. Tous les curés interrogés peuvent vous dire que quand ils veulent faire du catéchisme, ils vont à la poursuite des enfants pratiquement pour remplir leur salle, pour avoir du monde dans leur catéchisme. Mais le pire est que lorsque les enfants vont au catéchisme, une partie sont catéchisés correctement par les curés qui le veulent bien. Mais une autre partie très large ne reçoit presque rien, on va dire pas du mauvais, mais du nul. Il y a donc une espèce de rupture de la transmission qui est dramatique. Monsieur l'abbé Claude Barthes, donc j'aimerais, avant que l'abbé Guillaume de Tannoyde, qui est présent dans le studio, apporte son commentaire à ce que vous avez dit, apporte sa propre appréciation sur le sujet que j'ai évoqué en premier lieu, c'est-à-dire l'état de santé, si l'on peut dire, de l'Église de France. J'aimerais évoquer un fait récent. J'étais en Bretagne le 14 août, et donc je suis allé à une messe dans ce village de Bretagne, cette station balnéaire. Le prêtre était un noir haïtien. Bon, pourquoi pas ? Ben, c'est quand même le signe que nous manquons de prêtres. Puisque je pense que les Haïtiens ont besoin sans doute aussi d'être réévangélisés, ne serait-ce que parce qu'ils semblent très attirés par le vaudou plutôt que par le christianisme. Perfect. Bien, mais ce qui est plus grave, c'est que ce prêtre, au passage, il a le défaut, c'est qu'il était à peu près incompréhensible parce qu'il parlait avec un accent assez difficile à comprendre, ce qui est gênant quand même. Pour prêcher, il vaut mieux être compris. Mais passons, j'ai tendu l'oreille pour essayer de bien comprendre. Et du début jusqu'à la fin, c'était un discours politique, on peut dire le thème unique de cette messe, c'était « Vive les immigrés, vive l'immigration ». C'était un sujet politique. Le mot charité n'a jamais été prononcé à aucun moment. C'était l'accueil, l'étranger, l'eau, etc. Voilà. Donc c'est une espèce de xénophilie délirante. Bon, ce qui n'était pas à sa place dans une messe. Voilà. Bon, au passage, je vous signale que j'ai entendu quelque chose qui m'a plutôt choqué, mais je pense que je ne suis pas dans l'erreur, puisque le prêtre en question a dit très, très clairement que Dieu appelait au salut les hommes de toutes origines, bien sûr, mais aussi de toute religion. Ah oui. Comme si toutes les religions se valaient. Et c'est peut-être là qu'on retrouve votre sujet du catéchisme. Parce que pourquoi voulez-vous que les enfants ou que les parents envoient leurs enfants au catéchisme si toutes les religions se valent, pourquoi en apprendre une puisque toutes se valent, autant apprendre le vague dénominateur commun conciliaire qui consiste à dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sauf bien sûr les méchants racistes ou les méchants gens de droite ou d'extrême droite. La vérité, c'est toutes les religions se valent, mais l'absence de religion vaut la religion. Ça, à la fin, c'est ça. Alors, je vous signale aussi dans le même ordre d'idée que Yves Daoudal, dans son dernier numéro de Daoudal Hebdo, cite un sondage qu'il a lu dans La Croix à propos des JMJ. D'où il résulte qu'à peu près la moitié des jeunes qui vont au JMJ considèrent que toutes les religions se valent. Mmh, Alors, bon, moi, je veux bien que le JMJ soit la suite d'espérance, mais franchement... C'est un de ces articles. Mais alors, sur ce... que le catéchisme qui est mis entre leurs mains professait. La liberté religieuse, c'est le fait que toutes les religions ont une égale valeur. Oui, mais alors justement, sur ce point, il y a quand même un signe d'espérance extraordinaire. C'est que deux évêques dans l'OLA avaient eu connaissance de UCAT. UCAT, ce n'est pas un anglicisme, c'est le nom du catéchisme distribué à tous les jeunes qui participent au JMJ. C'est quand même de l'anglais, non non. C'est Youth Catechism, j'imagine, mais c'est en tout cas sous ce c'est déjà nom. Bon. Ils ne sont pas sur Radio Courtoisie, ils peuvent faire comme ils veulent. Ah ouais. Voilà, en tout cas, donc, dans ce catéchisme UCAT, il était clairement dit qu'effectivement, la liberté religieuse signifie que toutes les religions se valent. Cette édition fautive, paraît-il, la traduction aurait été mal transcrite, cette édition a été mise au pilon. Donc ça, c'est quand même un signe important de ce que l'atmosphère change. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce serait passé comme, j'allais dire, comme une lettre à la poste, ce genre de propos. Oui, alors, est-ce que l'abbé Barthes est un pessimiste, tandis que monsieur l'abbé Barthes quel était l'état de l'Église de France, je vous ai répondu. Non, mais attendez, je voudrais vous demander si vous êtes un incurable pessimiste, tandis que l'abbé de Tannoir est un incurable optimiste. Je ne suis pas un incurable pessimiste. Je crois au contraire, en effet, comme l'abbé Tannoir, il est en train de se passer des choses, mais il faut d'abord avoir le fond du décor, hein, qui est celui-là. Et alors, dans ce décor-là, qui est celui d'une espèce de coma, on va dire, hein, alors il se passe des choses nouvelles. C'est-à-dire que l'abbé Tannoir parle de ces deux évêques qui ont protesté et qui ont en effet obtenu qu'il y ait une réaction. Donc c'est bien, il y a des évêques qui s'aperçoivent qu'il y a des hérésies dans un catéchisme, et en effet, comme dit l'abbé Tannoir, il y a 10 ans, ce ne serait peut-être pas arrivé. Et donc il y a un certain nombre d'évêques qui sont en réaction. Jusqu'à un certain point. Il y a un certain nombre de prêtres aussi. Donc, je vous parle toujours du fond de la France profonde, de ce diocèse, avec cette poignée de prêtres, mais qui sont tous très âgés, ou pour la plupart. Il n'empêche qu'il y a des jeunes. Et très peu, mais il y a. Et par exemple, donc des prêtres, je pense à deux prêtres qui sont on dirait presque des traditionnalistes, et qui sont l'un et l'autre curé de paroisses très importantes du diocèse. Il n'y a plus personne, on les nomme curés. Ils font le travail qu'ils peuvent faire. Il y a trois séminaristes qui sont aussi au minimum très, très classiques. Et ainsi, de diocèse en diocèse, si vous voulez, on trouve des prêtres qui représentent un nouveau catholicisme qui correspond à ce que pense, veut être le symbole, le signe, Benoît XVI, et de même des séminaristes dans les séminaires. Il n'y a jamais eu aussi peu de séminaristes dans les diocèses de France que dans l'année scolaire qui s'est achevée, 2010-2011, à savoir 740 séminaristes selon les chiffres officiels, ressemblant un peu moins, ce qui est véritablement catastrophique. Il est très probable que dans l'année qui va s'ouvrir, 2011-2012, il y aura encore moins de séminaristes. Mais ces séminaristes-là sont très différents des séminaristes du passé, et notamment des séminaristes d'il y a 10 ans. On trouve parmi eux une proportion relativement importante de ce qu'on pourrait appeler des séminaristes sous morum pontificum, en prenant le titre du motu proprio de Benoît XVI. Alors attendez, expliquez, parce que tout le monde n'est pas aussi érudit que vous. Le motu proprio qui a rétabli les droits de la messe traditionnelle. Le 7 juillet 2007. Voilà, 2007. Et donc un certain nombre d'aspirants au sacerdoce adhèrent totalement à ce texte et voudraient se préparer à célébrer l'un et l'autre rite, on dit plus exactement l'une et l'autre forme, dans les paroisses qui nous seront données. Monsieur l'abbé Claude Barthes, j'aimerais, le temps passe et vous êtes au téléphone, et je voudrais que nous passions avec l'abbé Guillaume de Tannoir au sujet de la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne, mais je voudrais quand même vous poser sur la nouvelle de l'Église encore 3 questions, alors je vais vous demander de répondre vite, bien que les questions soient très difficiles, enfin très vastes. Si la première, ça peut être très simple, vous pouvez me dire, je ne sais pas. C'est que deviennent, où va, Où en sont les pourparlers entre la Fraternité Saint-Pédis et Rome? Et pensez-vous qu'il y aura un heureux aboutissement? Enfin, pour moi, l'heureux aboutissement, ça serait évidemment la réconciliation. Hein. Oui. Bon, tout le monde l'espère, non? Pas tout le monde, je crois qu'il y a des gens qui ne l'espèrent pas du tout. Enfin, je veux dire, tous ceux qui sont autour de votre table, et moi-même, l'espérons de tout cœur, et même très largement. Jacqueline aussi, oui. Jacqueline est d'accord. Qui fait qu'on peut être optimiste, parce que cette espérance pousse aussi les autorités de la Fraternité Saint-Pilier, tout spécialement au Cerfelet. Non, je préfère dire que je ne sais pas où, je ne sais pas trop où, je ne sais pas, bref, parce que la Fraternité Saint-Pilier est restée d'une discrétion très grande. Ah bah attendez, vous n'avez pas écouté, monsieur l'abbé Barthes. Depuis la levée de l'excommunication des quatre évêques de cette fraternité en 2009, qui porte en elle-même, comme inéluctablement, des accords pratiques canoniques. Hein. Donc, entre-temps, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées, comme vous savez, l'affaire Williamson, etc. Donc, je réponds très rapidement. Et puis, des discussions doctrinales, qui sont ce qu'ils sont. Et la fraternité avait dit qu'elle serait d'une discrétion totale, et elle était en effet d'une discrétion totale. Pas du tout, monsieur l'abbé Barthes. Vous n'avez pas écouté Radio Courtoisie jeudi dernier. parce que, dans le libre journal de Claude Giraud, l'abbé Alain Laurence a interrogé monsieur, monseigneur Fellet. Et il a parlé évidemment longuement de ces questions. Alors, il a été, relativement évasif. Hein. Oui, il a dit, Monsieur Fellet, ça on peut le dire, puisqu'il l'a dit, je ne sais pas s'il l'a dit au Libre Journal, qu'il était invité à aller à Rome. Oui, en septembre, je crois. 14 septembre, très exactement, le jour de l'exaltation de la Sainte-Croix, et qu'il allait rencontrer le cardinal Levada, président de la commission Ecclesia Dei, et Monseigneur Pozzo, le secrétaire de la dite commission. Ils vont parler du résultat des discussions, donc ils vont faire une espèce d'état des lieux, et tout porte à croire que. Et puis tout le monde dit qu'on parlera aussi de questions pratiques, c'est-à-dire canoniques. Canoniques, c'est-à-dire l'ordinariat, l'organisation indépendante ou autonome. Une indépendance vis-à-vis de l'épiscopat français. Reconnue à la Fraternité Saint-Pilis, une reconnaissance de ces lieux de culte, une possibilité pour les prêtres donc d'avoir un statut officiel et de pouvoir aller dans les paroisses quand ils ont un mariage ou des obsèques à célébrer, etc. Alors, monsieur l'abbé Claude Barthes, l'autre question, c'est ce que devient, après le motu proprio de 2007, la célébration de la messe traditionnelle, la forme extraordinaire, comme on dit dans le motu proprio, du rite romain, ou comme les gens disent souvent la messe en latin, mais que ce soit évidemment une formule inappropriée. Vous avez écrit sur le sujet. Vous avez écrit un livre sur le sujet. En France, si la question porte sur la France, l'augmentation des messes dominicales selon la forme extraordinaire dans les paroisses n'a pas considérablement progressé. Mais bon, on va dire qu'il y a eu une augmentation de 10%. Il y aurait peut-être, je crois, 400 messes officielles en France. Je n'ai pas les chiffres. C'est décevant quand même. En tête, enfin, bon, c'est quelque chose d'assez convenable. une progression continue. Une progression aussi qui a profité Saint-Pie V spécialisé, comme la Bétanoire, enfin je veux dire, pas la Bétanoire justement, qui est un cas un petit peu à part à Paris, le diocèse de Paris étant aussi à part, mais disons aux instituts dits Ecclesia Dei, qui sont voués à la forme extraordinaire et qui ont reçu, à cause des demandes des fidèles, des apostolats auxquels ils n'avaient pas droit précédemment. Je pense que le mouvement va s'accentuer dans la mesure où précisément les évêques sont dans des situations assez catastrophiques, hein, et que on est dans une période un peu charnière là maintenant. Il faut attendre encore 2 ou 3 ans, les choses vont. Et par ailleurs, il faut proposer aux fidèles la possibilité de choisir. Moi, je peux vous dire que j'ai parlé tout à l'heure de mon expérience du 14 août, mais la comparaison entre la messe du 15 août à laquelle j'ai assisté, qui était une messe traditionnelle, la tradition de Saint-Pie V, c'était vraiment, c'était une vraie messe, quoi. Ça n'avait rien à voir. Et donc, je pense que les fidèles, si on leur propose le choix, alors vous me direz peut-être que leur goût est tellement corrompu qu'ils préféreront. Non, ne croyez pas. Tous les sondages donc, organisés, qui sont des sondages successifs et qui sont faits dans divers diocèses, en France entière, dans d'autres pays, et ça, organisés par Péliturgique avec des organismes officiels, enfin tout ce qui est plus professionnel, donnent les mêmes chiffres et même des chiffres en augmentation. C'est-à-dire que les catholiques pratiquants, dans des proportions qui étaient jusque-là de à peu près un tiers, mais qui commence à arriver à peu près la moitié, sont prêts à assister à la messe traditionnelle si elle était célébrée dans leur paroisse. Alors, dernière question, et je vous abandonnerai lâchement, monsieur l'abbé Barthes. Dernière question que les auditeurs de Radio Courtoisie, je pense, sont nombreux à se poser, du moins quand ils sont catholiques, c'est ce qu'il faut penser de Assise numéro 3, c'est-à-dire la réunion interreligieuse. Que semble-t-il, que le pape a décidé, le pape Benoît XVI a décidé de réunir à Assise une troisième fois, comme Jean-Paul II l'avait fait deux fois déjà, donc, des représentants de toutes les religions, c'est-à-dire non seulement des protestants, des orthodoxes, et même des juifs et des musulmans, mais aussi des bouddhistes, des hindous, des grands sachems, et que sais-je, des zoroastriens. Bon. Ma réponse est très claire, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le pape, lorsqu'il était cardinal Ratzinger, avait beaucoup critiqué la première journée d'assises, à laquelle il n'avait pas assisté. Il avait assisté contraint et forcé à la seconde. Beaucoup de personnes à Rome même sont très critiques vis-à-vis de sa décision, qui est une décision comme de fouille forcée, c'est-à-dire que c'était prévu, donc on le fait quand même. C'est ce qu'il a répondu à un ami luthérien, allemand, un pasteur luthérien qui lui disait, mais enfin, qui lui est contre Assise. Il disait, mais comment se fait-il que vous réunissiez? Il a dit, ben oui, je ne l'ai pas voulu, enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que même si on fait très attention, je ne vois pas comment le message qui sera répercuté par les médias et qui sera donc compris par les fidèles n'est pas un message de relativisme, c'est-à-dire toutes les religions se valent. Absolument. C'est impossible. Le premier message d'Assise était tellement fort que les autres, même très encadrés, ne peuvent que répéter qu'une mémoire, on va dire, pour employer un terme. Alors écoutez, en vous écoutant, j'ai envie de vous poser une quatrième question, alors que je ne voulais vous en poser que trois. Pensez-vous qu'il y a actuellement, que nous sommes dans une deuxième phase du pontificat de Benoît XVI, où Benoît XVI, en fait, n'a plus la volonté, ne semble plus avoir la volonté de rétablir ou de restaurer l'Église comme il avait commencé à le faire, notamment avec le Summorum Pontificum, le motu proprio, et avec un certain nombre de décisions, la levée des excommunications, par exemple. Au moins depuis son encyclique sociale, où il se prononce ouvertement pour le gouvernement mondial, hein. Et puis avec cette décision de faire Assise, est-ce qu'on n'est pas devant une nouvelle étape qui, de notre point de vue... Je dirais oui et non. Il faut dire les choses très clairement. Le pape, avec tout le respect qu'on lui porte et toute la reconnaissance que l'on a pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va faire encore, je suis persuadé, évidemment est un homme âgé, qui porte un poids très lourd, qui est entouré par une curie qu'il ne domine que partiellement... c'est bien connu depuis toujours, n'est pas un homme de gouvernement, donc les choses sont difficiles et la situation est évidemment très, très difficile. Parler d'une deuxième étape de pontificat, oui, peut-être. Je crois quand même qu'il peut encore prendre des décisions importantes, notamment la levée des choses toutes petites, comme le motu proprio summum pontificum, qui en soi n'est pas une décision colossale, si on veut, mais qui, dans le contexte... Quand même. Oui, tout de même, c'est de fait très important. La levée des excommunications des évêques de la Fraternité Invictus, c'était de fait très important. Et la reconnaissance canonique de la Fraternité Invictus sera aussi un acte... Si elle a lieu. ...de sa part, très important. Je touche du bois, je ne sais pas si c'est une pratique très chrétienne, mais quand vous faites cette prophétie, je préfère qu'elle soit véridique, parce que je pense que si ça avait lieu, ça aurait des conséquences non seulement religieuses considérables, oui. Car quelles que soient les critiques que certains font à la Fraternité Saint-Pédis, s'il n'avait pas été là, où en serions-nous, hein. Donc je crois qu'il faut rendre... Ça va apporter de l'air à toute une partie de l'Église, tout ce que j'appelle, je ne sais pas si le terme est bon, nouveau catholicisme, va recevoir une bouffée de... Alors, monsieur l'abbé Claude Barthes, vous pouvez rester avec nous au téléphone, mais vous allez entendre un Salve Regina. Alors, c'est un peu original, j'espère que je ne vais pas encourir vos foudres ou celles de l'abbé Guillaume de Tannan, mais nous allons entendre du grégorien, et celle de Patrick Bandken, nous allons entendre du grégorien en français. Salve Regina, salut au Rennes, donc c'est une traduction du Salve Regina. C'est un cantique à Notre-Dame de de l'abbaye, alors qui doit être sûrement conciliaire, je suppose, hein, des moines bénédictins de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Mmh. Mais Canada, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas où c'est. Non, c'est au Canada. Ils sont spécialisés, en effet. En tout cas, ils chantent vraiment très bien, c'est très beau. Et le Salve Regina, c'est sans doute pour moi le plus beau des hymnes à la Vierge. Enfin, il y en a beaucoup qui sont très, très beaux. Et j'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont catholiques comme nous seront transportés par cet hymne, bien qu'il soit en français, je pense qu'il est très beau. Et que ceux qui ne sont pas catholiques comprendront peut-être à travers la musique qui plaide peut-être autant que de longs discours pour la foi qu'il y a quelque chose de grand dans notre foi chrétienne. Avouez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que ce Salve Regina en français est absolument merveilleux et que l'interprétation qu'en ont donné les moines de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, est vraiment superbe. Monsieur l'abbé Guillaume de Tannoirne, je pense que vous êtes de cet avis. Moi, je trouve que ça marque bien l'universalité du chant grégorien, voilà, dont les mélodies sont liées au latin, mais dépassent une langue. Et s'impose par elle-même. Voilà. Alors, nous avons maintenant à nous tourner vers la Sainte Vierge et nous allons faire une émission catholique. J'ai en face de moi l'abbé Guillaume de Tannoirne et j'aimerais qu'il nous parle de la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne. Et puisque le 15 août, c'est la fête de l'Assomption, il en a parlé tout à l'heure, mais d'une certaine manière, dans l'émission de Philippe Maxence, qui le dirigeait en l'absence de Philippe Maxence. Tout à l'heure, nous avons fait de l'histoire. Voilà. Alors, l'Assomption est un dogme qui a été proclamé en 1950 par le pape Pie XII. Donc, c'est un dogme récent, mais c'est une croyance ancienne. La dormition ou l'Assomption, je ne sais pas très bien quelle est la subtile différence entre les deux doctrines. C'est la même chose. On parle de dormition en Orient, on parle d'Assomption en Occident, et dans les deux cas, ce qui est manifesté, c'est que la mort de la Vierge Marie n'est pas une mort violente comme sont nos propres morts, sont nos morts humaines, trop humaines. La mort de la Vierge Marie est un doux passage vers un autre monde et d'autres horizons. Voilà. Voilà, donc voilà ce que c'est. Mais pourquoi a-t-on attendu 1950 pour proclamer cette foi dans l'Assomption ou la Dormition de la Vierge comme dogme? Il faut bien comprendre. C'est tard, 1950. Hein. Oui, c'est très tard. Et on peut se dire, mais alors qu'est-ce qu'on a fait pendant 1950 ans? C'est évidemment la première réaction qu'on peut avoir. Et si on n'aime pas trop les chrétiens, on va pouvoir ironiser sur le sujet abondamment. Mais en réalité, il faut savoir ce que c'est qu'un dogme. Des dogmes dans la foi chrétienne, il y en a le moins possible. On ne fait pas des dogmes pour le plaisir de faire des dogmes, on fait des dogmes quand il y a un problème. Je prends la question de l'Eucharistie. Il n'y a pas de dogme eucharistique avant le concile de Latran IV, donc avant le début du XIIIe siècle. Pourquoi est-ce que ces dogmes interviennent ? Parce qu'il y a eu une querelle théologique entre Lanfranc et Béranger, et que cette querelle théologique aurait pu s'envenimer et faire perdre aux fidèles leur foi spontanée en l'Eucharistie. Donc il y a la foi. La foi, c'est ce que nous recevons. Et cette foi, elle est toujours la même depuis des siècles. Et puis, il y a les points sur lesquels cette foi paraît attaquée. Et lorsqu'elle est attaquée sur tel ou tel point, alors, pour clore la discussion en quelque sorte et pour limiter les dégâts, l'Église de Rome fait un dogme. Mais vous savez, il faut aussi parler de l'importance de l'Église de Rome. On trouve cette importance reconnue déjà dans un des tout premiers textes de l'histoire du christianisme, qui est l'Adversus Hereses de saint Irénée. Saint Irénée qui s'est opposé aux gnostiques, saint Irénée qui avait en face de lui des gens qui tordaient les textes et qui les déformaient, saint Irénée qui avait donc en face de lui des gens qui rendaient problématique le rapport à l'écriture elle-même, puisqu'il transformait cette écriture. Je vous rappelle qu'on est quand même à une époque où la circulation des textes est un peu difficile, pas aussi facile qu'aujourd'hui, et donc les textes pouvaient être beaucoup plus facilement bricolés. Qu'est-ce qu'il dit à ses fidèles de Lyon, puisque saint Irénée est évêque de Lyon, en 180, 190 après Jésus-Christ? Saint Irénée a connu saint Polycarpe, qui a connu saint Jean, pour donner une idée, saint Jean l'évangéliste, mort très tard. Il touche en quelque sorte à la tradition apostolique encore, et qu'est-ce qu'il leur dit ? Si vous avez un problème, regardez l'Église de Rome, car à cause de sa principalité, principalitas, c'est intraduisible, à cause de sa principalité, c'est elle qui détient la vérité. Sa primauté. Oui, mais c'est une primauté qui n'est pas seulement une primauté d'honneur, et c'est tout le problème, vous savez, des théologiens, c'est que principalitas, vous avez princeps, et pour un latin, princeps, c'est le prince, c'est l'empereur, c'est le premier, princeps primus. Oui, donc vous voulez dire que la primauté est un terme qui ne suffit pas, qui n'implique pas nécessairement l'autorité, le jugement en dernier ressort qui est attribué au pape et à l'Église de Rome. Voilà. Et alors de la même façon, lorsqu'en 1870, le pape Pie IX définit l'infaillibilité pontificale, il n'invente pas l'infaillibilité pontificale, elle existe. Donc dans ce texte de saint Irénée, mais il la clarifie. Alors, il la clarifie, vous disiez c'était simplement pour éviter de vains débats, mais ces débats ne sont pas nécessairement vains. Moi, je pense à l'Immaculée Conception. Alors, rappelons aux auditeurs de Radio Courtoisie, ou plutôt aux nouveaux auditeurs, parce que bien sûr, les auditeurs anciens le savent bien, qu'il ne faut évidemment pas confondre l'Immaculée Conception d'homme qui était proclamé par Pie IX en 1854, il y a un siècle et demi, avec la virginité de Marie qui fait partie des dogmes originels, toujours reconnus par l'Église depuis l'origine de l'Église. J'ai entendu Michel Onfray le faire encore sur France Culture il y a quelques jours. Des gens apparemment d'un certain niveau d'éducation confondent les deux. Or l'Immaculée Conception signifie simplement si je puis lire, que la Sainte Vierge, seule dans l'humanité, a été exonérée du péché originel. Voilà. Et il faut savoir que c'était une discussion très, très poussée dans l'Église, et qu'à l'époque, la grande époque de la scolastique, saint Thomas d'Aquin et la plupart des docteurs de l'Église étaient contre cette doctrine. Ils ne croyaient pas... c'est le bienheureux Jordan Scott qui était le premier grand théologien à affirmer l'Immaculée Conception contre l'opinion de saint Thomas d'Aquin et des thomistes. Et c'est finalement la foi de l'Église qui a fini par emporter la décision a amené l'Église, en la personne du pape Pie IX, à affirmer ce dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire ce fait extraordinaire que la Sainte Vierge a été... exonéré à la conception du péché originel. Henri de Lesquin, vous avez raison d'opposer saint Thomas d'Aquin et Jean Duns-Scott, ils n'étaient effectivement pas tout à fait du même avis, mais ils n'étaient pas tout à fait du même avis du point de vue d'une explicitation théologique qu'ils ne formulaient pas de la même façon, du point de vue fondamental qui est de reconnaître la sainteté en quelque sorte absolue de la Vierge Marie, ils étaient d'accord. Ah, bien sûr, pour l'un, cette sainteté commence à la conception même de la Vierge Marie, et pour l'autre, la Vierge Marie a été purifiée du péché après sa conception. Avouez quand même que la différence est très minime, et que ce qu'il emporte en tout cas, c'est fondamentalement l'unité dans la reconnaissance de la plénitude de grâce de la Vierge Marie. La différence n'est pas minime, sinon si c'était minime, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de proclamer le dogme. Non, ça, je ne crois pas que ce soit minime. Ce dogme montre bien la place centrale, et c'est ce que je voudrais dire dans cette émission avec vous, de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne. Alors j'aimerais, justement, vous dites que vous avez parlé d'histoire tout à l'heure, mais j'aimerais que nous aussi nous parlions d'histoire, c'est-à-dire que vous montriez aux auditeurs de Radio Courtoisie comment, au fil des siècles, la foi dans la... Enfin, la spiritualité mariale, la dévotion à la Sainte Vierge n'a cessé de s'amplifier, de s'approfondir. Peut-être c'est le 19e siècle qui a marqué un sommet, mais déjà, évidemment, on avait consacré la France à la Sainte Vierge. La cathédrale de Paris, c'est Notre-Dame de Paris, bien sûr, donc on n'a pas attendu, évidemment, Pie IX ni Pie XII, évidemment, pour mettre la Sainte Vierge au centre de la foi chrétienne. Je voudrais vous donner une double réponse. La première, c'est qu'il est question de la Vierge Marie d'une manière très importante et, je dirais, discriminante entre les bons et les mauvais chrétiens, entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne lui reconnaissent pas certains privilèges. Il en est question dès le concile d'Éphèse en 431. Le premier. Concile d'Éphèse, le premier concile d'Éphèse au cours duquel... Non, mais le premier des 21 conciles. Ah non, ce n'est pas le premier concile, il y a le concile de Nicée avant. Ah oui, pardon, Nicée, absolument. Et le concile de Constantinople. Ouais. Mais disons que ce sont vraiment ces premiers conciles christologiques très importants. C'est le troisième concile écuménique, pardon. Il y a eu Nicée et Constantinople. Voilà. Et au cours de ce concile d'Éphèse, donc en 431, la Vierge Marie est définie comme mère de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est mère, bien entendu, d'un être humain, et qu'elle est mère comme toutes les mères, mais cet être humain étant Dieu, elle est mère, elle peut être dite mère de Dieu. Et chaque fois que nous récitons le « Je vous salue Marie », nous reprenons cette définition du concile d'Éphèse, qui a évidemment créé quelques remous, parce que un certain nombre de théologiens considérait que Marie n'était pas mère de Dieu, mais plutôt considérait que le Christ était avant tout un homme habité par la divinité, plutôt qu'une personne divine assumant l'humanité. J'espère que je me fais bien comprendre, mais c'est la définition du dogme christologique auquel Marie est associée. Et ça, c'est très important aussi pour tout le monde de comprendre combien il y a un lien entre la grandeur du Christ, Jésus, et les privilèges de Marie. Parce qu'au fond, les privilèges de Marie, ils viennent des privilèges du Christ. Et alors, Mère de Dieu, dans ce premier concile, dans ce concile d'Éphèse. Tous les chrétiens, en tout cas tous les catholiques, répètent souvent le « Je vous salue Marie ». Et « Je vous salue Marie » en disant qu'elle est Mère de Dieu. Mère de Dieu. Et il faut quand même... C'est une... Théotokos en grec. Théotokos en grec, mais c'est-à-dire génitrice de Dieu. Alors c'est une expression étrange quand on y réfléchit presque jamais, parce que c'est tellement banal, on le répète si souvent que ça paraît banal. Or en fait, c'est une expression nécessairement figurée, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de mère, Dieu lui-même n'a pas de mère. C'est simplement le Fils de Dieu... Jésus, qui est pleinement incarné, et donc elle est en fait mère de Dieu, elle est la mère d'un homme qui était Dieu, c'est ça que ça veut dire. Voilà, voilà. Et qui était pleinement Dieu, c'est-à-dire que la nature divine et la nature humaine étaient pleinement, unies dans une même personne. Dans un sujet qui est un sujet divin. Christ est un sujet divin. L'ego du Christ, pour parler dans des termes modernes, si vous voulez, est un ego divin dans un moi humain. C'est ce qui permet l'expression... quoi qu'elle soit figurée ou abrégée, Mère de Dieu. Voilà. Alors rappelons peut-être pour les éditeurs de Radio Courtoisie que, vous l'avez dit rapidement, que ça a suscité de grands débats, mais que ça aboutit à l'hérésie condamnée au concile de Nicée, donc de Nestorius. Nestorius qui était évêque d'Alexandrie et qui refusait... Évêque d'Alexandrie ? Non, il n'était pas évêque d'Alexandrie. Il était du côté de Constantinople. Oui, oui. Il était à Constantinople. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez d'un côté l'Égypte chrétienne qui est à tendance monophysite, donc qui ne reconnaît qu'une seule nature dans le Christ, c'est-à-dire la nature divine, et vous avez de l'autre côté les humanistes de Constantinople, de la capitale, qui eux aimeraient bien concilier les deux natures d'un point de vue plus humain et faire du Christ quelqu'un d'humain habité ou inspiré par la divinité. Ce sont les deux écoles qui s'affrontent et entre lesquelles les conciles tranchent de temps en temps d'un côté, de temps en temps de l'autre. Ouais, alors en l'occurrence, donc Nestorius ne voulait pas entendre parler de la formule théotokoi, c'est-à-dire génitrice de Dieu, mère de Dieu, et il a été donc anathématisé à cause de cela. Voilà. Et l'église nestorienne demeure jusqu'aujourd'hui en Orient, en Proche-Orient, en Irak, et il y a une église nestorienne. Alors une partie est uniate, c'est-à-dire qu'elle est revenue théoriquement dans le dogme chrétien, enfin théoriquement et pratiquement, mais il reste une église nestorienne en Inde aussi, qui conserve cette hérésie nestorienne. Mais la plupart des nestoriens sont revenus à l'unité catholique aujourd'hui, et là je dois dire qu'il y a un travail de Rome, dans le sens d'une unité des chrétiens, qui est tout à fait extraordinaire. Ce qu'on appelle les chrétientés pré-calcédonienne, c'est le concile de Chalcédoine, c'est le concile qui a suivi le concile de Nicée en 455, le concile de Nicée c'est 431, les chrétientés pré-calcédoniennes rejoignent de plus en plus l'unité catholique, et je crois que c'est un signe tout à fait extraordinaire d'une tendance profonde et inéluctable vers une unité réelle des vrais chrétiens entre eux, quelle que soit leur origine. Nous allons donner la parole aux auditeurs par l'intermédiaire de la charmante Jacqueline. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie. Pardon. Excusez-moi. Donc le journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit ce soir pour nous parler de la nouvelle église, c'est fait avec l'abbé Des Parc. Les nouvelles de l'église, c'est fait avec l'abbé Claude Barthes, qui est prêtre et écrivain, et en même temps l'abbé Guillaume de Tannouarn pour la fête de l'Assomption, la place de la Vierge dans la foi chrétienne. Voilà, et j'ai quelques messages. Allez-y, lisez les messages. D'abord, à l'attention de monsieur l'abbé Guillaume de Tannouarn, votre émission de 12 heures était excellente, mais j'aimerais connaître la fin de la vie de la Vierge Marie, son lieu de décès et à quel âge est-elle morte. Merci d'avance, bravo pour ce midi. Mais là, c'est vraiment le genre de question qu'il faut poser à mon invité tout à l'heure, le père Guiguin, qui est un spécialiste de la tradition apostolique, ce que vraiment je ne suis pas. Alors, je connais quelques prêtres d'origine africaine. Ils sont remarquables, très pieux et très solides, de bonne doctrine. Mais il y a des tas de prêtres africains charmants et très religieux. Mais comme m'a dit personnellement un évêque, je le donne aux auditeurs de Radio Courtoisie pour ce que ça vaut, ce qui est bien avec les prêtres africains, c'est qu'ils restent pas, ils rentrent. Oui, c'est quand même amusant comme employeur, non ? Je ne dirai pas de quel évêque il s'agit parce que je ne débine pas ni les camarades, ni encore moins les supérieurs. Oui, je pense qu'il pourrait faire un tout petit effort de prononciation, parce que je confirme, nous en avons dans notre paroisse, et je ne comprends, pour ainsi dire, trois fois rien. Ça, c'est malheureusement, ils sont très bien, mais ils devraient faire un grand effort. Mais ils ont un sens religieux que malheureusement les hommes occidentaux... Il faut quand même faire preuve un peu de charité, Jacqueline, parce qu'il faut savoir que les organes vocaux des Noirs ne sont pas les mêmes que ceux des Blancs, et par conséquent, c'est une question qui tient aux fibres musculaires des cordes vocales, leur voix est différente, et donc nous sommes moins habitués à les entendre, et c'est pour ça que nous avons parfois du mal à les comprendre. Oui, oui. Il y a un problème culturel. Non, il y a un problème physiologique. Un auditeur, je suis dans un petit village de 200 habitants, dans le Cantal. Hier, nous avons fait une procession disparue depuis 50 ans, et rétablie depuis 3 ans. Nous étions 60 dans l'église. Ça, c'est tout à fait ce nouveau catholicisme dont parlait l'abbé Barthes tout à l'heure. Une auditrice pour l'église orthodoxe, la Sainte Vierge est aussi célébrée le 15 août. Ne les oublions pas, effectivement. On en parle beaucoup. Voilà. À propos de religion, aux pharisiens, Jésus répond « Votre religion est une religion d'hommes. En effet, en vérité, toutes les religions se valent, donc ce type... Dans ce type, quel est le type de la religion ? Je ne comprends pas très bien. Quel est le type de la religion dont parle Jésus aux pharisiens ? C'est la religion des hommes. Il y a le ritualisme qui n'est qu'un support. La religion de Jésus, c'est l'élévation du moi, élévation que l'on retrouve dans la pratique de toutes les religions quand elles s'élèvent au niveau de la spiritualité pure. Alors, c'est une belle intervention, d'après ce que j'en comprends. Je voudrais préciser deux choses. La première, c'est que le Christ, effectivement, critique les pharisiens avec leurs traditions humaines. Quelles sont ces traditions humaines ? C'est tout ce qui concerne la religion juridique, qui était la religion pharisaïque. La religion n'est pas une loi, mais une foi. Exemple, les observances alimentaires. Le Christ, très clairement, au chapitre 7 de saint Marc, dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme ». Car l'homme, après avoir mangé, va au lieu des anges et tout cela disparaît, c'est dans l'Évangile, hein. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Voilà ce qui souille l'homme, les pensées d'impureté, de rixe, d'orgueil. Et il y a une liste impressionnante dans l'Évangile, au chapitre 7 de saint Marc, je vous y renvoie. Nous sommes libérés de la loi, saint Paul le redira, mais le Christ l'a dit, et nous vivons dans la foi. Mais quelle est cette foi ? Deuxième observation à notre intervenant. Cette foi, c'est une foi qui nous transforme, non pas seulement qui élève notre esprit ou qui nous permet de nous spiritualiser. C'est vrai qu'il y a une très grande spiritualité chrétienne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, comme dit le Christ au chapitre 4 de saint Jean. Mais cette foi nous transforme. Cette foi est une métamorphose de nous-mêmes. Nous sommes des mammifères supérieurs plus ou moins raisonnables, et par la foi, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Il y a une transformation réelle. Et ça, le christianisme est la seule religion à proposer cette transformation réelle. Et c'est pourquoi on ne peut pas mettre le christianisme, religion de la métamorphose, sur le même plan que les religions, si spirituelles soient-elles. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cet auditeur qui considère que toutes les religions se valent d'une certaine manière. Ah, évidemment, non. Il estime qu'à un certain niveau de la mystique... Sinon, je ne serais pas prêtre. Ah bah vous savez, aujourd'hui... Non, sinon, je serais professeur pour enseigner les religions qui se valent. Alors, insistons quand même sur un point, c'est que le judaïsme pharisaïque qui est dénoncé dans l'Évangile, il n'a pas disparu. C'est le judaïsme talmudique d'aujourd'hui. Les pharisiens dont parle l'Évangile et les Actes des Apôtres... sont les auteurs auxquels se réfère le Talmud, donc le judaïsme pharisaïque qui s'opposait au judaïsme apostolique, celui des apôtres qui suivaient le Christ, peut-être rappelé aussi, avec un peu d'anachronisme, le judaïsme talmudique, de même qu'avec moins d'anachronisme, le judaïsme apostolique et celui, le judaïsme évangélique, c'est-à-dire le christianisme. Alors ça c'est un point très intéressant, point mais ce serait une autre émission. Non, mais c'est un point d'histoire. Il y a une spiritualisation du judaïsme avant le Christ, dont l'Ancien Testament nous garde des témoignages extraordinaires, comme le livre de la Sagesse, par exemple. Ces juifs méditent sur la Sagesse et disent que la Sagesse, c'est la révélation de Dieu. Et puis, il y a une recomposition du judaïsme après le Christ et après la destruction de Jérusalem, qui est une recomposition... j'allais dire antichrist, qui voit le jour au concile de Yamnia. C'est André Paul qui développe ces idées. C'est une consolidation du pharisaïsme qui est clairement dénoncé dans l'Évangile et qui a été systématisé dans le Talmud. Oui, mais c'est la même religion. Le pharisaïsme qui était une partie de la religion juive, donc les pharisiens qui constituaient un parti, les perouchim, deviennent, emportent la mise en quelque sorte et recomposent le judaïsme autour de leurs propres croyances, qui ne sont plus donc les croyances des pharisiens, mais qui deviennent le nouveau judaïsme talmudique ou légaliste. Oui, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est resté de judaïsme, puisque le judaïsme sacerdotal a disparu avec la destruction du temple. Le judaïsme n'est pas que légaliste, c'est ce que je voudrais vous dire. L'évolution du judaïsme avant le Christ, un peu avant le Christ, va vers l'esprit du Christ, en quelque sorte. Alors, puisque nous faisons un commentaire... Dans le sens d'une spiritualisation, dans le sens d'un culte de la sagesse, de la memra, hein, qui est le mot pour dire sagesse en araméen, je crois qu'il faut quand même le souligner, cela. Parce que le Christ n'est pas une génération spontanée non plus. Il est amené par une évolution historique du judaïsme, prophétique d'abord et sapiencial ensuite. Monsieur l'abbé Guillaume de Tannouard, donc vous venez de nous démontrer ce supposions, c'est que vous n'étiez pas marcionnite, c'est-à-dire que vous pensiez que l'Ancien Testament annonçait bien la venue du Messie, ce que nous pouvions évidemment deviner de votre part, mais bien sûr, bien sûr. Mais je vous signale, tout à l'heure vous parliez de la gnose, mais vous savez sans doute, mais vous savez certainement, que la mystique aujourd'hui dans le judaïsme talmudique, l'ancien judaïsme pharisaïque, c'est une gnose, c'est la Kabbale. Et c'est entièrement gnostique. Le grand savant Scholem a écrit des livres entiers sur le sujet. Et c'est passionnant de voir comment la mystique n'existe dans le judaïsme talmudique que dans cette forme dévergondée qu'est la gnose. Je dis dévergondée parce que dans la gnose, par principe, dans sa définition pure, c'est l'homme qui devient Dieu et qui considère que le savoir absolu lui permet de s'émanciper de toutes les règles de la morale. Et puis alors, c'est intéressant quand même, parce que cette gnose, elle s'oppose, malgré qu'on en ait à la loi. Donc, elle représente une espèce de crispation extrémiste dans l'anti-loi. J'aimerais bien discuter avec des juifs kabbalistes ou kabbalisants, parce que leur position me paraît intéressante, me paraît une espèce de réaction au pharisaïsme. Alors, juridique. Votre candeur me oui, ça c'est mon charme. Mais non, mais attendez, une doctrine ésotérique ne peut pas être communiquée pour ceux qui la pratiquent à quelqu'un qui n'est pas initié, donc vous perdez votre temps. Ils tiendront un discours qui sera tout à fait artificiel, mensonger, hypocrite, pharisien. Ils ne diront pas la vérité sur le cœur ésotérique de leur doctrine. Je suis sûr que la vérité perce toujours. Ah, oui, d'accord, mais il faut être très, très astucieux pour la trouver. Alors revenons maintenant peut-être aux questions des auditeurs. Oui, message d'un auditeur. Michel Onfray a des positions très anticatholiques. Que pensez-vous de son pouvoir de nuisance? Michel Onfray sait parler à un micro. Voilà. Malheureusement, je ne dirais pas que Michel Onfray sait penser. Il sait caricaturer les pensées. Et ça passe bien au micro. L'abbé Guillaume de Saint-Noël sait aussi parler à un micro. Oui, bon. Mais c'est vrai qu'il est plus souvent invité à Radio Courtoisie qu'à TF1, hein, c'est ça que je oui, veux ça dire. C'est sûr. Pour répondre à l'auditeur de tout à l'heure, la mort de la Vierge, quel âge? Parce Mais non, l'abbé de Saint-Noël nous a expliqué qu'il n'avait pas la réponse. J'avoue que sur ces questions-là, voilà. Je préfère ne pas m'avancer. Ah, alors, excusez-moi. Parce que c'était vraiment mon invité de ce matin qui détenait un certain nombre de clés judéo-chrétiennes, si vous voulez, de clés qui viennent d'une tradition judéo-chrétienne disparue au IIe siècle et qui atteste de l'Assomption. Bien, alors revenons plus précisément à la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne. Donc vous avez parlé, monsieur l'abbé Guillaume de Tanner, de l'expression « Mère de Dieu ». La Sainte Vierge est la Mère de Dieu et on le récite à chaque fois qu'on dit le « Je vous le salue Marie », on dit qu'elle est Mère de Dieu. Et vous avez montré que ça signifie, enfin c'était une manière de faire comprendre, pas simplement pédagogique, qu'il y avait pour la foi catholique une véritable incarnation. Bon, voilà. Rappelez le dogme de l'incarnation. Et donc, dans le dogme de l'incarnation, la Sainte Vierge joue un rôle essentiel, bien entendu, puisque c'est elle qui a mis au monde, comme mère de Dieu, le Fils de Dieu incarné. Alors, au fil des siècles, comment se développe la spiritualité mariale? Peut-on dire qu'il y a eu des siècles plus mariaux que d'autres dans l'Église catholique? On peut certainement dire qu'il y a eu des siècles plus mariaux que d'autres. Le 19e en tout cas. Mais quand vous pensez que Saint Bernard de Clairvaux, vous parlez du 19e siècle, mais quand vous pensez que Saint Bernard de Clairvaux, au 12e siècle, dit des Maria numquam satis, de Marie, on ne dira jamais assez de bien, eh bien je crois que Saint Bernard, curieusement, n'est pas un saint du 19e siècle et il est déjà capable de ce genre d'hyperbole pieuse. Mais cette hyperbole pieuse, quand on y réfléchit, elle se trouve dans le Magnificat, elle se trouve dans le texte de l'évangile de Saint-Luc, donc de l'évangile tout à fait authentique, je ne vous parle pas d'apocryphe, toutes les générations me diront bienheureuse. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la force de cette parole de la Vierge qui semble ici indiquer qu'un culte va lui être rendu. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et on peut penser avec le père Feuillet, le père Feuillet est un exégète catholique, mort il y a une quinzaine d'années, que j'ai eu le privilège de rencontrer, et j'avoue que c'est une personnalité qui s'était totalement donnée à un travail de fourmi un travail vraiment scientifique sur les textes de la Bible. Et l'un de ses livres importants porte sur la Vierge Marie. Il nous explique par exemple, je donne cet exemple, comment dans la scène de la Visitation, toujours dans Saint-Luc, lorsque la Vierge arrive auprès de sa cousine Élisabeth, et Élisabeth dit « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi ?» Ce qui est énorme là aussi. Mais ce qui est un écho au livre des rois, dans lequel David, recevant l'Arche d'Alliance, dit « D'où m'est-il donné que l'Arche d'Alliance soit venue jusqu'à moi ?» Cela indiquerait que la Vierge, dans les textes de l'Évangile, non seulement on lui rend un culte, mais on l'appelle l'Arche d'Alliance. Vous savez ce que c'est que l'Arche d'Alliance ? L'Arche d'Alliance, c'est une caisse qui contient les tables de la loi, qui contient les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Verbe. Cette caisse qui contient le Verbe, c'est la mère, c'est la matrice, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, donc, dans le texte de Saint-Luc, d'une manière cryptée, certes, mais quand on est très attentif, d'une manière scientifiquement décelable, est appelée Arche d'Alliance. Et dans nos litanies de la Vierge, qui sont si, si poétiques, si belles, Fédéris Arca, on appelle la Vierge Marie l'Arche d'Alliance. Vous voyez que la dévotion des litanies de la Sainte Vierge, aujourd'hui, peut se prévaloir d'une tradition ininterrompue jusqu'à la lettre de l'Évangile de Luc, dans laquelle cette appellation l'Arche d'Alliance a été cryptée. Alors, n'y a-t-il pas un risque de déviation si la Sainte Vierge, qui était quand même une créature, est mise à l'écart de l'humanité par son sort extraordinaire, Mère de Dieu, Immaculée Conception, avant d'être Mère de Dieu d'ailleurs, dans l'ordre chronologique, d'abord Immaculée Conception, donc elle est exemptée du péché originel, ensuite elle est Mère de Dieu, c'est-à-dire qu'elle met au monde Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, et enfin Assomption. Et son corps est porté au ciel. N'y a-t-il pas le risque de la mettre quasiment à l'égal de Jésus ou de lui donner une importance dans l'économie de la foi aussi importante, aussi grande que celle du Christ lui-même? Et je dis cela parce que j'ai lu quelque part l'opinion de certains théologiens peut-être un peu excentriques qui estimaient qu'il fallait proclamer un nouveau dogme, à savoir que Marie était co-rédemptrice. Qu'en pensez-vous, monsieur l'abbé Guillaume de Tannouarn ? Alors, la co-rédemption de Marie, c'est effectivement une question qui a été longtemps débattue. Moi, j'aurais tendance à vous dire, nous sommes tous des co-rédempteurs. C'est-à-dire qu'il y a j'aurais tendance rédempteur... à vous dire que vous êtes jésuite. Je crois pas. Il y a, je vais m'expliquer puisque je suis. Il y a un rédempteur qui est le Christ. C'est le Christ qui nous mérite le salut. Le salut, c'est-à-dire l'éternité, la participation à la vie divine, c'est quelque chose de divin. Le salut, c'est pas nous qui le faisons. C'est le Christ qui nous le donne. Là, on retrouve des lignes de force de la polémique janséniste et de la polémique pascalienne, et où il faut bien reconnaître que les jansénistes en général, et Pascal en particulier, avait tout à fait raison. Sur quel sujet, ça ? Le salut est divin. Le salut, ah ouais. C'est pas quelque chose que nous faisons, nous. Le salut, c'est une métamorphose, c'est une mutation, c'est une transformation qui nous est donnée par Dieu. Bon. Seulement, et donc par Dieu et par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous mérite le salut, qui, en se faisant homme et en mourant sur la croix, nous donne sa vie. Il nous donne sa vie dans les deux sens du terme. Il nous donne sa vie parce qu'il meurt pour nous et il nous donne sa vie parce qu'il nous la transmet. C'est pour ça que jamais personne ne pourra faire comme il a fait. On peut donner sa vie pour quelqu'un, mais on ne peut pas la transmettre en la donnant. Lui, il le fait. Voilà. Alors, ça c'est important. Le Christ nous apporte un salut qui est divin. Mais, certes, le Christ nous a sauvés sans nous, mais nous devons participer à ce salut. La grâce de Dieu, qui est la vie éternelle, ultimement, elle ne nous est pas donnée sans une collaboration de notre liberté. Et qu'est-ce que c'est que cette collaboration de notre liberté ? C'est la co-rédemption, c'est-à-dire que nous nous rachetons avec le Christ. Et comment nous nous rachetons ? Eh bien, j'allais dire, nous donnons ce que nous pouvons. Et ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent donner beaucoup, il y a des gens qui peuvent donner un peu. L'essentiel, c'est de donner. Et le Christ est cet intendant qui convoque chacun et qui lui dit « Tu dois 100, tu peux donner 50. » Alors, tu les donnes. « Tu dois 100, tu peux donner 80. » Alors, vas-y. « Tu dois 100, tu peux donner 10. » Alors, donne 10. Voilà. Et c'est ça, la corédemption. Et simplement, la Vierge Marie est corédemptrice non seulement d'elle-même, mais elle est corédemptrice pour toute l'humanité parce qu'elle est unie au mystère de son Fils. Et elle est unie au mystère de son Fils au point que, comme l'en avait prévenu le vieillard Siméon, un glaive de douleur lui a transpercé l'âme. C'est tout à fait extraordinaire que le Christ ait repoussé sa mère pendant toute sa vie publique. Qui sont ma mère et mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà, et ma mère et mes frères et mes sœurs. C'est pas très très agréable pour la Vierge Marie. Hein. Bon. Et il y a un autre moment extraordinaire, c'est Cana. Cana, c'est la Vierge Marie qui a le réflexe de la mère de famille ou de la maîtresse de maison, vous voyez. Elle voit qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, c'est très féminin, c'est admirable. Et elle dit, il faut que tu fasses quelque chose. Le Christ n'a pas du tout envie de faire quelque chose. Il dit que c'est des histoires de bonnes femmes. Hein. Et il lui dit non. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais il le fait. Il lui dit non, mais il le fait. Voilà, c'est admirable ça. Mmh. Et bien, de la même façon, il la repousse un peu pendant sa vie publique pour la maintenir, je pense, dans l'humilité. Mais en réalité, elle est toute proche de lui et il y a un moment où il la repoussera plus. C'est sur la croix, où là, il l'appelle femme, en référence à la femme prédite par le livre de la Genèse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, dit Dieu au serpent, entre ta descendance de petit démon et sa descendance de petit saint. Et donc cette inimitié prévue entre la femme et le serpent, je ne sais pas, Jacqueline, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une opposition entre la femme et entre toutes les femmes et le serpent? C'est possible. Le serpent, c'est le diable. On dit aussi le contraire. On dit que les femmes sont des diablesses. Bon, je ne sais pas. En tout cas, elle concerne avant tout la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui fait face au serpent. Et c'est aussi la signification, d'ailleurs, du dogme de l'Immaculée Conception, c'est qu'elle peut avoir rien de commun avec le serpent. Et tout ça, c'est la co-rédemption, si vous voulez. On peut l'appeler comme on veut. Mais si vous voulez, chacun d'entre nous, nous donnons notre petit truc, notre petite pierre, mais la Vierge Marie, elle donne infiniment plus, puisqu'elle donne le Christ par son oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même une évolution théologique ou spirituelle dans l'Église, au fil des siècles, qu'au début... La Vierge Marie était une sainte, certes, mais la prima inter pares, la première des saintes ou des saints. Dieu sait qu'il y en a des centaines, heureusement, pour l'Église et pour les fidèles. Et que, à force de développer le dogme, on a fini par la mettre à part du cortège des saints. Je crois qu'elle a toujours été à part. La Vierge Marie est un monde, comme disait le cardinal de Bérulle et saint Jean Eudes. Mais vous me direz, ça c'est tardif, c'est le XVIIe siècle. C'est bien avant le XIXe. Mais vous savez que dans l'Église d'Orient, il y a une dévotion à la Vierge Marie qui est considérable. Et lorsque le Concile d'Éphèse dit « Marie est mère de Dieu », c'est une manière de la mettre à part. C'est, une façon clairement complètement folle de parler d'un être humain. Elle est mère de Dieu. Et mon cher Cajetan commente cela. Votre cher Cajetan, excusez-moi, il est moins connu que... Oui, alors je sais... Donc c'est un disciple de saint Thomas d'Aquin qui opère, lui, en pleine Renaissance. Non, première Renaissance. 15e siècle. Début du 16e siècle. Début du 16e. Et qui dit, la Vierge Marie a été placée par sa maternité divine aux confins, aux limites de la divinité. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle soit une déesse. Mais ça veut dire que... C'est hérétique, c'est une opinion hérétique, c'est épouvantable. Non. Dans l'anthropologie chrétienne, il y a deux dimensions. La dimension de la nature, nous sommes tous des mammifères supérieurs. Et la dimension de la vocation, ça c'est un des bons côtés quand même de l'encyclique Caritas in Veritate que vous critiquiez tout à l'heure, pour des motifs que vous aviez raison de mettre en avant. Qui me paraît moins bonne que les précédentes, en tout cas celle Mais que j'ai lue. Le début de l'encyclique distingue bien la nature et la vocation. Je dirais la nature et la personne. On peut dire que la nature, du point de vue de la nature, la Vierge Marie, c'est une femme, voilà. C'est une vraie femme, et elle n'a absolument rien de divin. Mais du point de vue de son destin, du point de vue de son existence, de son être au monde, risquons le barbarisme philosophique, C'est un paille, elle est aux confins de la divinité. C'est un paille de guérilla, ce que vous dites là, non ? L'être au monde, non ? C'est un peu existentialiste. Oui, en tout cas, il y a une dimension un petit peu existentielle qui est fatale dans la théologie chrétienne. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà, et donc les auditeurs de Radio Courtoisie viennent d'entendre de l'abbé Guillaume de Tanoir une superbe analyse de la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne, mais j'aimerais que nous allions plus loin et que nous parlions de la spiritualité vécue par les saints et par les fidèles. Là, vous en avez parlé de manière un peu théorique, mais il y a toute une vie liturgique. Comment a-t-elle évolué et comment, quelle est aujourd'hui, en 2011, hic et nunc, la place de la Sainte Vierge dans la foi chrétienne ? Alors écoutez, je crois qu'effectivement la liturgie est un bon test à propos de la dévotion mariale. Vous avez le droit de parler latin, mais pas anglais. À test, c'est de l'anglais. Bah, oui, c'est de l'anglais. Une belle mise à l'épreuve, un bel essai, une belle... Nous aussi, nous faisons la quête, mais c'est la quête aux anglicismes. Ça fournit. Alors, ça, parce que vous m'avez quand même appris quelque chose. Enfin, oui, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Mais alors, je n'ai pas grand-chose. Non, mais une pièce jaune, c'est symbolique. Suffit. C'est ça, c'est symbolique. Bon, alors, voilà. La voilà, elle est tombée. Voilà, je l'avais entendu. L'abbé de Tanoir n'est passé à la quête. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faut absolument que je vous envoie quelques sous aussi. Parce que c'est normal, il n'est pas juste qu'il n'y ait que les curés à faire la quête. Hein. nous la faisons beaucoup, alors là, et pour la bonne cause aussi. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut que je donne à votre quête. Il faut que je donne à votre quête, absolument. Je crois que la liturgie, effectivement, représente bien la dévotion des chrétiens, et on s'aperçoit qu'à toutes les époques, dans la liturgie d'Orient, comme dans la liturgie d'Occident, il y a une dévotion ardente à la Vierge Marie. Alors moi, je ne connais pas bien les premiers siècles, mais il y a une inventivité liturgique du peuple chrétien et une dévotion spontanée du peuple chrétien qui est admirable, mais qui rejoint les textes et qui rejoint la tradition la plus ancienne, qui n'est pas non plus une espèce d'élucubration. Parce que ça, c'était la tendance des années 50-60, très scientiste. Je parle du siècle dernier, le 20e, funeste et calamiteux dans tous les domaines, y compris en théologie, où, par exemple, le père de Lubac, pour ne pas le nommer, disait que la tradition est vivante, c'est-à-dire qu'elle évolue par des ruptures de continuité qui ne sont pas représentables logiquement. Donc l'esprit ne peut pas se représenter l'unité de la tradition chrétienne dans les divers états et les diverses époques de son épanouissement. Ça me semble, et il donnait comme exemple la dévotion à la Vierge. Eh bien, je suis désolé pour le père de Lubac, mais ça repose sur un état des sciences bibliques et un état des sciences religieuses qui est aujourd'hui complètement dépassé et complètement faux. Parce que, justement, la Vierge Marie, je vous ai donné l'exemple de l'Arche d'Alliance tout à l'heure, mais elle est vénérée depuis l'origine. Toutes les générations me diront bien heureuse. Et cette vénération... Les chrétiens la reprennent, mais elle est très importante. Et je voudrais dire une chose à toutes les femmes qui nous écoutent. Si c'est le Christ qui nous a sauvés, ça veut dire que le christianisme est uniquement un truc d'homme. Or, pas du tout. Le christianisme associe au salut de l'humanité cet homme divin qu'est Jésus-Christ et cette femme purement femme qu'est la Vierge Marie. Et c'est ça, je pense. On n'est pas très loin de la doctrine de corédemption, là, il me semble. Hein. C'est pour ça que, si vous voulez, la corédemption, je vous ai dit que la différence entre notre propre corédemption et la corédemption de Marie, nous apportons notre petite pierre à la communion des saints, ça peut peut-être éventuellement servir à quelques personnes, mais la Vierge Marie, elle apporte quelque chose qui concerne tout le monde. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont compris que l'abbé de Tannoir s'était trahi parce qu'il a dit que le XXe siècle était abominable. Or, le XXe siècle, vous le savez, c'est le siècle du 21e concile écuménique, j'ai nommé Vatican II, qui s'est déroulé de 1962 à 1965. Ben, l'Église met 50 ans à s'en remettre. En plein XXe siècle. J'ai compris que vous préfériez le concile de Nicée au concile Vatican II. Ah oui, certainement, oui. Parmi les 21 conciles écuméniques que l'Église a connus depuis l'origine. Mais le concile de Nicée n'a pas été sans ambiguïté non plus, vous savez. Alors, au fond, on peut dire, des historiens aujourd'hui disent, je ne suis pas historien de cette époque, mais... Après tout, allez, comme je suis philosophe, je peux dire un petit peu tout et n'importe quoi, mais des historiens de cette époque disent que le concile de Nicée aurait plutôt favorisé l'hérésie qu'il ne l'aurait arrêté. parce que c'est au retour du concile que tout le monde s'est battu sur le fameux iota, vous savez, ayant dit j'ai signé sans, j'ai signé avec, etc. Et l'après-concile de Nicée a été calamiteux. Mais alors, les après-conciles sont souvent calamiteux. Vous nous emmenez sur les cimes de la théologie, mais moi j'aimerais vous ramener à la pratique religieuse. Nous avons, depuis les croisades, parce qu'en fait c'est un emprunt que nous avons fait à l'islam, nous avons le chapelet. Oui. Et c'est très différent notre chapelet. Hein. C'est très différent, mais c'est une pratique que nous avons trouvée chez les musulmans, qui la tenaient peut-être d'ailleurs des bouddhistes ou des hindous, je ne sais pas. Et ce qui est frappant quand on dit le chapelet, ce qui est conseillé, paraît-il, pour les catholiques, c'est qu'il y a un Notre Père pour combien 12 Je vous salue Marie. Donc il y a une très nette supériorité numérique dit Je vous salue Marie sur le Notre Père. Pourquoi ? C'est quand même bizarre, non ? Eh bien, parce que le chapelet est une dévotion à Marie, mais Marie ne retient pas notre regard. Excusez-moi de vous poser une question aussi pratique que celle-là. Je suis là pour ça. Marie ne retient pas notre regard, elle le dirige vers son fils. Je crois que prier Marie, c'est finalement toujours s'orienter vers Jésus. Et vous savez, ceux qui veulent vénérer le Christ en excluant Marie de leur vénération, outre que, comme je le disais tout à l'heure, ils ne comprennent pas très bien la logique homme-femme dans l'histoire du salut, je pense aussi que ces gens risquent de faire du Christ une espèce d'idée. L'idea Christi, comme disent les Allemands, Fichte et compagnie. Alors, si le Christ est une idée, ça n'a aucun intérêt. Et comment nous savons que le Christ n'est pas une idée ? Mais parce qu'il est né d'une femme, comme dit saint Paul. Né d'une femme, né sous la loi. Parce qu'il est sorti du ventre d'une femme. C'est pour cela qu'il n'est pas une idée. Et c'est là où la Vierge Marie est tellement importante, qu'elle accouche à l'histoire notre salut. Mais j'aimerais vous faire dire du mal des protestants, parce que la prétendue réforme luthérienne puis calviniste a notamment porté sur le culte rendu à la Sainte Vierge. Oui. Et plus généralement, d'ailleurs, sur le culte rendu aux saints et sur la doctrine de l'intercession des saints. Oui. Les protestants considèrent que prier un saint, c'est une forme d'idolâtrie, que l'intercession, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, qu'il ne faut prier que Dieu. Alors, qu'en pensez-vous, vous qui êtes un prêtre et théologien catholique, monsieur l'abbé Guillaume de Sannemarne ? Eh bien, écoutez, cher Henri de Lesquin, je dirais que aujourd'hui, les sciences bibliques ont beaucoup progressé par rapport à l'époque de Luther et de Calvin, et que les scientifiques qui étudient le texte de l'Écriture ne peuvent plus se permettre d'en exclure la Vierge Marie comme l'avaient fait Luther et Calvin. Et il y a eu des réunions œcuméniques sur ce sujet. C'est un des seuls acquis de l'œcuménisme entre les catholiques et les protestants. C'est celui qui concerne la Vierge Marie. Le groupe des Dombes a publié un texte commun aux catholiques et aux protestants, où les protestants reconnaissent la place éminente de Marie dans l'Écriture. Seulement, ce n'est pas une place quantifiable ou quantitative. Les textes sur la Vierge Marie sont admirables, magnifiques. Je vous ai donné l'exemple de l'Arche d'Alliance tout à l'heure. Simplement, c'est sûr qu'il y a deux chapitres dans saint Luc, un chapitre dans saint Matthieu, un chapitre peut-être dans l'Apocalypse. Tout ça, du point de vue quantitatif, ça fait monsieur pas l'abbé, beaucoup. Et du point de vue qualitatif et du point de vue de la puissance de l'information, c'est énorme. Monsieur l'abbé, vous m'inquiétez, parce que vous vous placez dans une logique protestante. Pour justifier ce que l'Église a dit, vous dites que vous reportez au texte et vous discutez des textes. Donc vous placez sur le terrain des protestants, sur le terrain du libre examen, en quelque sorte. Alors, le tort de Luther et de Calvin n'était-il pas, d'abord et avant tout, non pas, leur tort n'était pas de mal connaître les sciences bibliques qui se sont développées depuis, leur tort et avant tout, c'était de refuser l'autorité de l'Église. Oui, fondée sur la tradition. Bien entendu, je me fonde sur l'autorité de l'Église et sur le magistère, mais l'apprenti théologien que je suis essaye de réfléchir. Alors le problème, c'est qu'évidemment, les militaires vous le diront, réfléchir, c'est déjà commencer à désobéir. C'est un peu ce que vous êtes en train de m'expliquer. Mais c'est vrai que c'est tout le problème du statut du théologien dans l'Église. C'est vrai que le théologien doit être libre d'une réflexion qui ne préjuge pas de sa foi. Vous savez que Pie IV, le pape Pie IV, juste après le Concile de Trente, a interdit aux catholiques, sauf autorisation spéciale de leurs confesseurs, de lire la Bible. Oui, ça c'est dramatique à mon avis. C'est un fait. Mais c'est une mesure prudentielle qui est très imprudente. Il y a beaucoup de mesures prudentielles très imprudentes. La suppression de la messe latine par un certain nombre de décrets ou de discours du pape Paul VI est très imprudente au regard de la tradition et de l'histoire c'est de l'Église. Pas la même époque. Oui, mais ça cause certainement des dégâts beaucoup plus importants. Du point de vue de la tradition, c'est du même ordre. Non, pendant longtemps, les fidèles ordinaires, pas vous, mais moi ou Jacqueline, enfin Jacqueline ne m'en voudra pas si elle considère que, comme moi, elle fait partie du groupe des fidèles ordinaires, ne lisaient pas la Bible. C'est un truc de protestant de lire la Bible. Oui, et c'est dommage, parce que la Bible nous appartient, c'est un bien commun de l'Église universelle, donc de l'Église catholique, et dans la Bible, nous retrouvons notre foi dans la Vierge Marie. J'ai l'impression que la foi catholique au XIIIe siècle ou au XIVe siècle était moins vive parce que les fidèles ne lisaient pas la Bible. Mais au XIIIe et au XIVe siècle, les fidèles lisaient la Bible, les moines lisaient la Lectio Divina continuellement, et si les fidèles ne lisaient pas la Bible, c'est que l'imprimerie n'était pas inventée. Il faut attendre Gutenberg et surtout ses émules et ses épigones pour que la question de la lecture de la Bible se pose. Quand on n'a que des manuscrits, c'est très difficile. Non, il y avait une position générale de l'Église qui se méfiait des interprétations. Parce qu'aujourd'hui, chacun prend l'Évangile et dit moi, je pense que, etc. Et donc l'Église a tort puisque je lis ceci et je l'interprète. C'est pas facile d'interpréter l'Évangile et la Bible en général. Donc, la position prudentielle que vous considérez aberrante était en fait prudentielle. Je parle de la position du pape Pie IV. Tout à fait. Moi, je vais... XVIe siècle. Fin du XVIe siècle. Je reviens au début du XVIe siècle et à Cajetan, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cajetan est formé à la logique scolastique la plus abstraite. Il produit deux œuvres d'une extraordinaire puissance d'abstraction, qui sont le commentaire du DNT et le petit texte sur du DNT et Essentia et le petit texte sur le De Nominum Analogia, peu importe. De quoi s'agit-il ? Ça, ce sont des textes logiques et purement abstraits. Ensuite, il commente la somme théologique de saint Thomas d'Aquin et on est quand même encore dans l'abstraction scolastique. Et à partir de 1521, il a 50 ans et là, il se dit je dois commenter l'écriture et je dois donner l'accès à l'écriture à tous les chrétiens. Et il produit un commentaire presque complet de l'écriture sainte entre 1521 et 1534, qui est une merveille. Simplement, Cajetan a bien expliqué une chose, une merveille de liberté, une merveille de réflexion. Mais, dit-il, pour commenter l'écriture de façon efficace, il faut connaître l'hébreu et le grec. Ce que lui avait fait l'effort de faire, mais il reconnaissait qu'il faut une science. Par conséquent, lorsque Luther dit, à la même époque, tout père de famille lisant la Bible a une autorité totale, c'est aberrant. Cajetan répond, non, parce que pour lire la Bible, qui est un livre vénérable issu des siècles, il faut une culture. Que le père de famille allemand moyen, même allemand. Mais vous donnez raison à Pie IV. Vous donnez raison à Pie IV. Quand vous dites que Cajetan lit la Bible, mais Cajetan, c'est un immense théologien, qui était cardinal, je crois d'ailleurs. Cardinal, donc, absolument. Ce n'était pas n'importe quel fidèle. Oui, d'accord, que Cajetan lise la Bible ou que l'abbé Guillaume de Tannoir lise la Bible, très bien. Très bien. Ah bon, parce que j'avais l'impression que vous me reprochiez de lire la Bible. Ah, pas du tout. Ah non, c'est vraiment un affreux malentendu. Non. Je parle de la lecture de la Bible par tout un chacun, par moi, peut-être, qui ne connaît ni l'hébreu ni le grec, et un peu le latin, mais à peine. Et c'est là qu'est le danger. C'est lorsque le fidèle ordinaire qui n'a pas les connaissances suffisantes en théologie ou en langue sacrée se permet de donner sa propre interprétation de la Bible. Tout à fait. Et à ce propos, je voudrais dire aux gens qui ont soif de quelque chose, lorsque vous avez une Bible... Ne commencez surtout pas par le livre de la Genèse, c'est trop compliqué, puis vous allez vous planter dans des généalogies interminables à partir du chapitre 5, je crois. Si vous lisez la Bible, lisez l'Évangile. Commencez par l'Évangile. Et c'est à travers l'Évangile que la Bible s'éclairera. Ne faut-il pas commencer par les épîtres de saint Paul ? Peut-être pour les intellectuels. Saint Paul, c'est l'intellectuel de Dieu, vous savez. Ah oui, d'accord, mais quand même, c'est lui qui donne la clé. C'est très très dur, mais c'est vrai. Nous allons, Henri de Lesquin, donner la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie. Oui. Vous écoutez Radio Courtoisie. Alors, un auditeur, un grand nombre de prêtres noirs africains ont gardé des coutumes de leur christianisme originel, y compris la circoncision. Leur langage ou leur langue est parfois difficile à comprendre. La circoncision, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne crois pas. Un auditeur, comment faire comprendre à des musulmans que la Vierge Marie n'est pas Dieu comme le Christ ? Il y aurait toute une émission à faire sur la Vierge Marie. Allez, dans le Coran. Je vous arrête. Ce que je suggère, c'est que vous attendiez la fin de la lecture par Jacqueline des messages des auditeurs de Radio Courtoisie. Et prenez des notes. Un auditeur, parlez-nous de la représentation de la Vierge dans l'islam, s'il vous plaît. À propos de l'émission de midi, il a été dit que le Talmud considérait la Vierge Marie comme une prostituée, croyante... ayant un enfant sans père, comment peut-on nous parler des relations avec le judaïsme ? Une auditrice, concernant le chapelet, il ne nous vient pas de l'islam, mais c'est Marie qui en a parlé à Saint-Dominique au Moyen-Âge. Les 150 grains de chapelet correspondent aux 150 psaumes. Un auditeur, le rejet ou admonestation de la mère de Dieu par son fils relève de la part de la Bêta Noirne, d'une exégèse et d'une théologie consternante. Quant à M. de Lesquin, son orientation plus ou moins matraquée devient problématique. Si on regarde bien la traduction en latin, cela peut plutôt se traduire par qu'avons-nous à en faire. Il ne la repousse donc pas, sa rebuffade n'est pas si violente. Une auditrice, les premiers disciples n'ont jamais parlé de la Vierge Marie. C'est un roi qui a imaginé le culte de Marie, qui a inauguré le culte de Marie. Un roi de France, connaissez-vous son nom ? C'est pas Louis XIII ? Laissez l'abbé Guillaume de Tenon répondre, Jacqueline. À propos de Michel Onfray, son anticatholicisme est d'autant plus étonnant qu'il enseignait la philosophie dans les classes de terminale au lycée technique privé catholique Saint-Ursule de Caen entre 1983 et 2002, soit 19 années. Comme toujours dans les émissions de M. Henri de Lesquin, les intervenants sont de qualité, donc émission de qualité, bien cordialement. Alors, Le mot test est anglais, mais figure néanmoins dans le dictionnaire Larousse. Alors, écoutez, voilà. De même, de beaucoup de mots d'origine étrangère. Je réponds rapidement. Je vous mets en garde contre le dictionnaire Larousse, de même oui. Que je vous mets en garde contre la traduction de la Bible de Jérusalem, qui est fautive et tendancieuse sur plusieurs points. Ben, je vous assure que le dictionnaire Larousse ce n'est pas un bon dictionnaire. Et ce n'est pas parce que c'est dans les dictionnaires Larousse qu'il faut le dire. Oui, l'auditeur nous dit que la Bêta Noire peut reprendre son euro et bien cordialement. Pas question. De l'assomption. J'ai donné juste 10 centimes. Il a donné une pièce jaune, mais c'est très bien déjà. Ah, écoutez, j'aimerais quand même que la Bêta Noire réponde en premier lieu à ces auditeurs qui ont été troublés par ses remarques sur l'Évangile et le fait que Jésus repoussait sa mère. Il nous reste 5 minutes. Alors, là-dessus, il y a plusieurs exégèses accommodantes. C'est le drame, si vous voulez. Lorsqu'on a un texte difficile, lectio difficilior verior. La lecture la plus difficile est la plus vraie. Cette expression, qu'y a-t-il entre toi et moi, c'est un hébraïsme. C'est donc une expression hébraïque. On s'est permis de traduire « qu'est-ce que ceci pour toi et pour moi ?» Sous-entendu, on est du même côté de la barrière, etc. Mais c'est une traduction accommodante qui nous évite de nous poser des questions et des problèmes. En réalité, il semble bien que lorsque cette expression « qu'y a-t-il entre toi et moi ?» est employée dans d'autres endroits de l'Écriture et dans l'Ancien Testament, elle est toujours... une expression de rebuffade. Il semble bien que le Christ, que sa mère lui demande de faire un miracle pour que les gens puissent continuer à boire, vous comprenez qu'il n'est pas immédiatement d'accord. Voilà. Et au fond, ce qui est beau, c'est qu'alors qu'il n'est pas immédiatement d'accord, ben il le fait quand même. Et ça, c'est la puissance de la Vierge Marie sur le cœur du Christ. C'est très important. On la saisit là, dans un texte totalement dépouillé, mais d'une puissance merveilleuse. Et je crois qu'il ne faut pas, au nom d'exégèse accommodante, se priver de ces instantanés vécus qui vont beaucoup plus loin que toutes les théologies. Alors, autre question alors, auquel vous souhaitez répondre, monsieur Labbé Gabriel. Sur les rapports entre la Vierge Marie et l'islam, je me permets de dire aux auditeurs que j'aurai une émission jeudi soir, de 18h à 21h et que nous parlerons du sujet. Parce que nous parlerons de la conversion des musulmans au christianisme. Et qu'il me semble que la Vierge Marie a là-dessus un rôle fondamental. Donc gardez vos questions pour ce moment-là. Oui. Un auditeur demande si vous avez des titres d'ouvrage à nous conseiller pour le sujet de ce soir, c'est-à-dire la théologie de la Sainte Vierge et la spiritualité liée à la Sainte Vierge, ou autour de la Sainte Vierge. Alors, ce sont des livres difficiles, mais ce sont des livres efficaces. Jésus et sa mère du Père Feuillet aux éditions... J'ai oublié l'éditeur, mais c'est... Jésus et sa mère du Père Feuillet, voilà, du Rue Pierre et Marie Curie, des éditions... je ne connais que ça. Bref, et Marie dans le mystère de l'Alliance du Père de la Poterie, aux éditions des Clés de Brouwer. Voilà, donc voilà deux références. Jésus et sa mère du Père Feuillet et... Marie dans le mystère de l'Alliance du Père de la Poterie. Marie dans le mystère de l'Alliance du Père de la Poterie. Et là, vous avez l'éditeur qui est le... Des Clés de Brouwer. Gabalda pour le premier. Gabalda pour le premier. Voilà. Autre question auxquelles vous voulez répondre ? Eh bien, j'aurais peut-être juste dit quelques mots sur les relations judéo-chrétiennes et sur ce que dit cet auditeur à propos du Talmud. Je crois que tous les juifs ne sont pas des juifs talmudiques. Et que donc, si, par définition, sinon ils ne sont pas juifs. Tous les juifs n'adhèrent pas aux insultes que le Talmud profère contre Marie et contre le Christ. Oui, parce que le Talmud n'est pas considéré comme impeccable dans toutes ses parties. Et voilà, quand on relit le chapitre 7 et 8 de Saint Jean, où vraiment la polémique avec les juifs enfle, on se rend compte de quoi ? Quel est l'argument des Juifs face au Christ ? Tu prétends venir de nulle part, tu prétends venir d'ailleurs, tu prétends être fils de Dieu, et tu n'es que fils... Monsieur l'abbé, voilà, monsieur l'abbé, non, il faudra que nous fassions une émission sur le sujet, mais c'est le point important que je... Et ça, je pense que les Juifs ne peuvent pas se tenir à ça, ils ne s'y tiennent pas. C'est que le judaïsme d'aujourd'hui, c'est le judaïsme des pharisiens de l'époque du Christ... par opposition au judaïsme évangélique qui est le nôtre. Ces textes ne sont pas très connus. Vous avez... ces textes sont repris dans... Pardon. Merci, monsieur l'abbé. Vous continuerez à parler de ce sujet, enfin, comme vous l'avez dit, jeudi prochain.